Salut, moi c'est Stéphane, Stéphane, comme le prénom. Les gens disent souvent que j'ai tendance à me répéter, et c'est vrai, j'ai souvent tendance à me répéter. Bah du coup j'entends souvent, Stéphane, ça serait bien que tu changes de disque, parce que c'est usant. Alors quand j'ai vu que chez Citroën, jusqu'à 50 euros étaient offerts sur les forfaits freinage, je me suis dit, chouette alors, je vais pouvoir changer de disque. Bah du coup, merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu'au 30 avril 2018 pour l'achat d'une prestation de freinage dans le réseau Citroën participant. Détails sur citroën.fr. C'est l'heure de remonter le temps avec vous, Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Quel 30 mars avez-vous choisi ? Le 30 mars 1842 aux États-Unis, un médecin, le docteur Crawford Long, doit opérer un patient d'une tumeur du cou et pour que le patient souffre moins, il va utiliser de l'éther. C'est une grande première, il va l'anesthésier. On peut parler là vraiment des tout débuts de l'anesthésie moderne. Dites-moi Franck, on faisait comment avant ? Ah ben alors voilà, c'est la question. On a parfois tendance à croire que nos ancêtres opéraient à vif sans faire cas de la douleur du patient, ce qui n'est pas tout à fait vrai quand même. On utilise depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ, depuis Hippocrate, les vertus analgésiques de certaines plantes, comme la mandragore, le pavot par exemple. On faisait aussi boire le patient. Le grand chirurgien du 16e, vous savez, Ambroise Paré, utilisait de l'alcool et de l'opium. Plus tard, au 18e siècle, le chimiste Joseph Priestley va isoler un gaz euphorisant, le protoxyde d'azote, qui est mieux connu sous le nom de gaz hilarant. Problème, on l'accuse de sorcellerie, ce pauvre homme. Ce gaz sera bien utilisé, mais dans les cirques itinérants et pour fabriquer par ailleurs de la crème chantilly. Bref, il faut attendre le 19e siècle pour enfin qu'on se serve de ce gaz comme d'un anesthésique. Et c'est donc le docteur Long qui va révolutionner en quelque sorte oui, la discipline. Exactement, avec l'éther. Et par la suite, un dentiste, Horace Wells, découvre le gaz hilarant. Il l'essaie d'abord sur lui-même en s'arrachant une dent après en avoir inhalé. C'est un succès. Il l'applique donc à ses patients, ravis. Mais lors d'une présentation de sa technique au Massachusetts General Hospital, l'étudiant volontaire se plaint de douleur pendant l'arrachage de dents. Et là, vous imaginez, Wells est conspué, hué, discrédité. L'étudiant avouera plus tard qu'il n'avait pas eu si mal que ça, mais bon. Ensuite, Wells s'intéresse au chloroforme, mais il devient dépendant du chloroforme. Il va d'ailleurs être jeté en prison pour avoir agressé deux prostituées sous l'emprise du chloroforme. Aujourd'hui, une statue est érigée à sa mémoire à Hartford, dans le Connecticut. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Pour une émission consacrée à l'épopée du canal de Suez. 5h59, bienvenue sur Europe 1.